Aujourd'hui, nous allons présenter une vraie célébrité pour tous les fans de bande dessinée. Alexa Gajic, l'auteur du premier long métrage d'animation serbe Dites-moi, expose ses œuvres à l'Institut français du 19 mars au 14 avril. Nous sommes sûrs que l'exposition Héros épiques et villes du futur sera très visitée parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'admirer ses dessins depuis 3 ans. Alexa Gajic est née en 1974 à Belgrade. Il est diplômé de la faculté des arts appliqués, mais comme il se plaît à dire, c'est sa formation d'électrotechnicien qui a été un véritable entraînement de ses nerfs pour les dessins techniques et les détails. Il travaille pour les éditions françaises depuis l'an 2000. Il a dessiné les séries Le Fléau de Dieu et Draco, dont la scénariste est Valérie Mongeon. Ses bandes dessinées sont très bien accueillies en France et traduites aux États-Unis et en Serbie. Alex est aussi l'auteur de plusieurs albums publiés en Serbie comme Ushrafovima et Ternutize. En 2009, cette BD a été adaptée en long métrage animé Ternutize et Dites-moi. Grâce à la popularité du film, Ternutize est devenue son œuvre la plus connue. Il a gagné plusieurs prix, dont ceux du Festival Fantasia à Montréal et du Festival Science plus Fiction à Trieste. Monsieur Philippe Lemoine, attaché culturel, a ouvert cette exposition en nous disant quelques mots. Cette exposition d'Alexa Gajic, exquis héroïque, que nous sommes particulièrement heureux et fiers de pouvoir accueillir ce soir et pendant le mois qui vient dans nos murs ici à l'Institut français. Votre présence en si grand nombre nous indique aussi qu'il y a vraiment un public habitué, un public fervent pour la bande dessinée en Serbie. Et c'est quelque chose qui nous fait très plaisir, puisque vous le savez très certainement, la bande dessinée est un art. En France, on l'appelle même le 9e art. On a la chance en France d'avoir de très nombreux artistes, une très très grosse production d'albums de bande dessinée. Je crois que c'est plus de 5000 albums qui sont publié tous les ans en France. Et depuis très longtemps, la France est aussi un pays qui a accueilli de très nombreux dessinateurs venus des quatre coins du monde, et notamment de Serbie. D'une part, on est très heureux d'avoir cette exposition. Elle fait une large part au travail qu'Alexa a fait autour de la ville de Belgrade et l'architecture. Profitez de l'exposition. Merci. Bonjour à tous, nous sommes à l'Institut français de Belgrade, au vernissage de l'exposition d'Alexa Gajic. Alexa est avec nous maintenant et il va nous dire quelques mots sur son exposition et sur ses œuvres. Dobar dan, Alexa. Bonjour Alexa. Bonjour. Après ces 3 longues années écoulées depuis votre dernière exposition, nous avons enfin la joie de pouvoir admirer de nouveau vos dessins. Les planches de BD de cette exposition semblent illustrer votre vision futuriste de Belgrade. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi ce thème pour cette exposition, ou peut-être n'est-ce pas vous qui l'avez choisi? Oui, effectivement, c'est l'Institut français qui a voulu organiser une exposition sur ce thème. Celle-ci, comme son nom l'indique, Héros épiques et villes du futur, est divisée en deux parties. Tout d'abord, il y a les illustrations d'un Belgrade futuriste, tiré du film d'animation Dites-moi. Elles sont présentées ici car Belgrade est l'un des candidats pour devenir la capitale européenne de la culture en 2020. En ce qui concerne la deuxième partie de l'exposition, c'est déjà la tradition de l'Institut français de présenter des œuvres d'artistes serbes qui travaillent pour les éditions françaises. Cette année, j'ai été choisi et je me présente avec 3 bandes dessinées que j'ai faites pour les Français. Ce sont Attila, Draco et Mama Padouri. Pour rendre les choses plus intéressantes, on a exposé ici des esquisses, mais aussi des planches de BD complètes, des pages de couverture, des ex-libris, bref, tout ce qui a rapport à la création d'une BD, depuis le papier blanc jusqu'à la publication. Vous avez représenté des images d'un Belgrade futuriste d'une manière très intéressante. Pouvez-vous nous dire d'où vient cette inspiration, ce regard particulier sur la ville? Est-ce qu'elle porte certains messages que vous vouliez transmettre? Peut-on y lire quelques avertissements, peut-être? Ce n'est pas tellement un avertissement que je voulais donner. Je voulais plutôt faire référence à la tradition et aux choses qui devraient être conservées. Quand nous avons imaginé un Belgrade du futur avant de commencer la production du film, nous nous sommes demandé si la ville ressemblerait à une mégalopole ou si elle garderait son apparence traditionnelle d'une ville entre l'Est et l'Ouest sur le vieux continent. Nous nous sommes finalement décidés pour la deuxième option, parce que c'est plus exotique, mais aussi parce que l'histoire paraît plus vraisemblable si elle se déroule dans un environnement que les spectateurs connaissent bien. D'après vos dessins, on peut apercevoir que vous êtes passionné par une multitude de choses, comme par exemple l'architecture, l'histoire, mais aussi l'avenir, la microbiologie, la technique, etc. C'est vraiment admirable. Et comment m'expliquez-vous cette diversité? D'où vient cette passion pour de nombreux domaines de la science? Odakle vam sva ta ljubav prema svim tim naukama? Rodila mama. Jel da? Ma maman lui a donné le jour. En effet, la BD ainsi que d'autres disciplines artistiques peuvent être traitées plus ou moins sérieusement. Le documentarisme, la création de costumes, la scénographie, ce sont tous des éléments nécessaires qu'on devrait avoir dans chaque bande dessinée. Donc, il faut que l'auteur s'occupe de chacun de ces éléments le plus possible. Moi, j'ai peut-être un petit peu plus de nerfs que le reste de mes collègues pour m'occuper de l'architecture à laquelle ils ne prêtent pas beaucoup d'attention. Effectivement, j'ai toujours aimé dessiner toutes ces petites fenêtres sur le bâtiment. Les gens m'ont souvent demandé d'où me venait une telle patience d'en dessiner autant. Oui, le bâtiment du rectorat, capitaine Michel Zdagne, vous l'avez magnifiquement dessiné. Moi, j'ai toujours hâte de dessiner de petites fenêtres. Vraiment? Oui, c'est vrai. En général, je pense que c'est important que chaque artiste ait un esprit ouvert pour différents domaines de la science et pas seulement pour le sien. Comme vous l'aviez dit dans mes illustrations, il y a de la microbiologie, de l'architecture, de la création des costumes, etc. Ah oui, en tout cas, c'est très bien de réussir à intégrer tout ça dans une œuvre contemporaine du XXIe siècle. La BD elle-même a l'avantage de... En fait, elle permet à l'auteur de s'occuper de plusieurs choses en même temps. Et moi, je pense que c'est un travail qui n'est fait que pour des personnes qui ont beaucoup de patience. Et quelques mots pour finir. Pouvez-vous nous dire quelles sont les idées que vous avez pour vos nouveaux projets? Est-ce qu'on peut espérer la deuxième partie de Technotize? Je suis bien sûr infiniment heureux que le premier film ait provoqué un intérêt chez les gens pour ce qui va se passer ensuite. Ma réponse est oui. Le scénario existe déjà, un grand nombre d'esquisses de nouveaux personnages aussi. Malheureusement, contrairement à la BD, pour laquelle on a besoin seulement de papier et d'un stylo, pour produire un film, on a besoin d'un million d'euros aussi. Que vous vous imaginez bien, nous n'avons pas. Nous sommes en ce moment au début d'un processus qui n'est pas très artistique, mais qui doit être fini. J'espère bien, je voudrais bien passer à l'action, même si c'est fatigant et stressant pour moi. La BD a un inconvénient. Elle est faite par une personne et la solitude peut être frustrante pour l'auteur. Mais l'isolement est indispensable. C'est dans ces heures solitaires, quand il n'y a pas de distraction, que l'inspiration vient et que l'auteur peut s'identifier avec le personnage principal et son drame. Et toute l'histoire devient alors plus vraisemblable. Une grande salutation pour tous les auditeurs de Francophile Radio. Maintenant, quelques impressions des visiteurs. Bonsoir, Andrea, dites quelque chose. Bonsoir, Minam. Qu'est-ce que vous pensez de cette exposition? Mais alors, cette exposition, c'est vraiment admirable. Je l'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans le film, et dites-moi que j'aime beaucoup, mais aussi de nouvelles choses. Et je pense que, ouais, c'est merveilleux. Toutes les planches avec les bâtiments de Belgrade, par exemple, l'Assemblée nationale et la gare de Belgrade, et ouais, les choses comme ça. Et pour vous, Mina? Pour moi, oui, sincèrement, oui, moi j'aime aussi les planches de Belgrade futuriste. Je crois qu'ils sont magnifiques. Bien. Et je crois qu'il a présenté son vision futuriste d'une manière super. Mais nous avons ici notre ami de Espagne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en espagnol? Ah oui. S'il vous plaît. L'exposition est géniale. Oh. Super. J'ai entendu tout. Merci. Gracias.